Bitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti Sorania Frodebou qualifie d'extrême les propos tenus samedi par le coordinateur national des ligues et mouvements affiliés au CNDD-FDD. Il mettait en effet en garde contre l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye qui, selon Sylvestre Ndayizeye, devrait se garder de donner un quelconque conseil aux jeunes. Imbonerakure. Le président de la coalition Amizero Yabarundi s'inscrit en faux contre les propos tenus samedi au sud du pays, cette fois par la secrétaire générale du parti FNL, que la coalition s'est bien installée, s'est bien installée au Burundi qui est actuellement dirigée par un Hutu. Jeanne Ndimubandi a également dit que la coalition Amizero Yabarundi voudrait prendre le pouvoir par la voie de la force. L'ONG locale Parsem demande la publication du rapport de la Commission nationale de dialogue inter-burundais, lequel rapport contient des défis soulevés par la population et qui méritent des solutions selon Faustin Ndikumana que vous allez entendre dans ce journal. Dans ce journal également, où vous aurez droit à la chronique sportive, Evariste Nzikobanyanga nous parlera football féminin. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti CNDD-FDD soutient les déclarations du coordinateur national des ligues et mouvements affiliés à ce parti. Sylvestre Ndayizeye a en effet lancé samedi une sévère mise en garde contre l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye. Il l'appelle à se garder de prodiguer un quelconque conseil aux jeunes Imbonerakure du parti présidentiel, faute de quoi ces jeunes vont s'occuper de son cas. Contactée à ce sujet, Nancy Ninette Moutoni, qui est chargée de la communication, a affirmé que les déclarations de Sylvestre Ndayizeye reflètent bien la position de son parti présidentiel. Et le parti Sorania Frodebou qualifie d'extrême les propos tenus ce samedi à l'égard de l'ancien président Domitien Ndayizeye par le commissaire chargé des ligues et mouvements affiliés au parti CNDD-FDD. Le vice-président du parti Frodebou appelle les responsables du parti au pouvoir de rectifier ses propos et de demander pardon à l'ancien président. Sinon, Léon Sengendakouman a estimé que le parti au pouvoir ne sera pas en train de contribuer à la cohésion sociale. On l'écoute. Quand une personne ou une organisation s'est mal exprimée ou s'est mal comportée dans un contexte de démocratie, la première chose, la première valeur, c'est la tolérance. La tolérance, c'est de comprendre l'idée de l'autre, c'est de comprendre la position de l'autre, c'est de discuter avec l'autre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a cette position, pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé de cette manière. Le président Ndayizeye avait prodigué des conseils à ces jeunes et aux autorités, de ne pas tenir toujours un langage guerrier, de ne pas continuer à gaspiller l'argent de l'État dans l'encadrement des jeunes pour se battre, pour essayer d'intimider ou de terroriser les autres. Alors, les propos qui ont été tenus, ce sont des propos quand même extrêmes. J'en ai entendu parler, je n'ose pas croire que c'est la position du parti CNDD-FDD. Le parti CNDD-FDD devrait plutôt redresser cette situation parce que si cela continue, aujourd'hui c'est le président Ndayizeye, demain ça peut être les autorités qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Le parti CNDD-FDD devrait avoir le courage de rectifier ses positions de celui qui était à la tête de cette manifestation et réorienter ces jeunes dans le cadre de leur développement économique et social, dans le cadre de leur épanouissement. Sinon, ils ne sont pas en train de préparer ni l'avenir de ces jeunes, ni l'avenir du peuple burundais, ni l'avenir du Burundi lui-même. Ils sont en train de mettre des barrières à la cohabitation pacifique dans son pays. Le président du parti Sorania Frodebou Nyakuri, Iragirya Ndadaye, indique que ces polémiques devraient être réglées par le ministère de l'Intérieur qui a dans ses attributions la gestion des partis politiques. Kefani Wizi dit néanmoins que son parti ne peut pas se permettre de s'ingérer dans l'organisation interne des autres partis politiques. À la cabine technique, on fait signe que l'élément sonore de Kefani Wizi n'est pas encore disponible. La coalition Amizero Barundi trouve que le fait que ce soit un Hutu qui dirige le pays n'est pas synonyme de la consolidation de la démocratie au Burundi. C'est après que le secrétaire général du parti FNL ait indiqué ce samedi en province de Lomongue au sud du pays que la démocratie s'est enracinée au Burundi car il est actuellement dirigé par un Hutu. Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero Barundi, trouve que de tels propos peuvent créer des problèmes au pays. Le président de la coalition Amizero Barundi s'inscrit en faux contre les propos de Jeanne Ndimubandi, secrétaire général du parti FNL, qui accuse la coalition de vouloir accéder au pouvoir par la voie de la force. Je vous propose d'écouter Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero Barundi, au micro de Charles Makoto. Réduire la démocratie à l'exercice du pouvoir par quelqu'un de telle ou telle autre ethnie, c'est vraiment un esprit trop simpliste. Parce que le Burundi souffre tellement de tard qu'on ne peut pas aller d'affirmation gratuite en affirmation gratuite et prétendre qu'on va s'en sortir. Le Burundi, si on devrait résumer la démocratie à l'accession au fauteuil présidentiel par Hutu, et les pays qui n'ont pas de cette ethnie ne pourraient jamais être en démocratie. Je trouve que ça c'est vraiment puéril même comme raisonnement. Et puis, Gautoremi s'est battu pour des idéaux. Lesquels idéaux manquent crûment la place dans son pays? Il était pour une société juste et équitable. Il était pour une société où tous les citoyens vivraient sur le territoire national, où la politique contribuerait à rassembler les Burundais, à les unir davantage. Et malheureusement, c'est le contraire que l'on vit aujourd'hui. Il y a combien de réfugiés burundais à cause de la politique au Burundi? La corruption et autres fléaux, c'est pas ça qui caractérise une démocratie. Moi, je m'imagine que c'est honteux, c'est ridicule que des gens qui prétendent être des leaders puissent avoir un esprit aussi simpliste que ça. Ça ne contribue nullement à faire évoluer notre société, mais plutôt à la faire régresser. La coalition Amizero Barundi a été accusée de vouloir accéder au pouvoir par la force, par la même secrétaire générale du parti FNL. Quelle est votre réaction? Ma réaction est que je trouve qu'il y a anguille sous roche. Elle n'est pas d'Amizero. Comment est-ce qu'elle peut inventer des histoires? Nous avons fait un choix de lutter politiquement. Or, d'aucun sait, on a été dans le maquis, ça on l'assume. Maintenant, que ce parti FNL, entre guillemets, essaie de servir, cherche plutôt à faire disparaître tout ce qui est FNL. C'est de bonne guerre que l'on prétende que Amizero cherche à faire la guerre. Mais si on aurait cherché à faire la guerre, on n'aurait pas choisi d'aller aux institutions, on ne serait pas au Burundi, on serait peut-être ailleurs. Retour un peu à l'élément sonore du président du parti Sahwanya, Frodebou Nyakuri, qui indique que des polémiques et politiques devraient être réglées par le ministère de l'Intérieur, qui a dans ses attributions la gestion des partis politiques. Kefani Bizi dit néanmoins que son parti ne peut pas se permettre de s'ingérer dans l'organisation interne des autres partis politiques. Suivez. Dans notre déontologie ou dans notre idéologie, nous ne pouvons pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre formation politique. Et pourtant, il y a le ministère de l'Intérieur qui est en charge de la gestion des partis politiques et qui est obligé de voir s'il n'y a pas une formation politique qui a été au-delà de la loi. Donc, c'est à ce ministère qui pourrait voir si tel ou tel autre parti politique a agi contrairement à la loi et il pourrait tout faire pour mettre les choses en ordre. Nous avons un forme de parti politique dans lequel nous nous rencontrons, où les partis politiques peuvent échanger librement sur toutes les questions. Et je pense que s'il y a un malentendu entre les partis politiques, c'est d'abord entre eux d'échanger pour trouver des solutions. Sinon, on ne pourrait pas entrer dans un conflit, s'il faut dire, ainsi, auquel vous n'avez pas été invité de trancher. Kefani Bizi, président du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri. L'association Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Évolution des Mentalités, une ONG locale de la société civile au Burundi, demande que le rapport de la Commission nationale de dialogue inter-burundais soit publié. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, explique qu'à travers le communiqué sorti par la Commission, il est remarquable que les Burundais ont soulevé des défis qui nécessitent des solutions. Suivez Faustin Dikoumana au micro de Placide Niyomungere. Personne n'a jamais vu le rapport qui a sanctionné le débat organisé par la CNDI, sauf si quelqu'un vous indiquerait là où il faut retrouver ce rapport. Je dois dire qu'on s'est limité à un communiqué sommaire, mais quand même qui a montré en grande ligne ce qu'il y a de quintessence par rapport aux conclusions du débat. On nous a dit que les gens ont insisté sur la bonne gouvernance, la corruption, l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs, la question des droits de l'homme, sans oublier la question de la pauvreté et du chômage. Ce sont des défis importants. Pour la Constitution, on nous a dit qu'il y a une opinion qui s'est exprimée et une autre non négligeable qui a exprimé le contraire. Ça veut dire que c'est un débat qui peut continuer. Alors, à travers ce communiqué, nous avons vu que les gens ont exprimé des défis. Quant à la Constitution, elle, s'il y a une commission actuellement technique chargée de proposer les modifications, je crois que la commission à lui seule aussi devrait tenir compte de l'orientation politique. Il faut l'esprit de publier ce rapport soit toujours là et puis permettre quand même un débat de continuer pour remettre le pays sur les rails. La personne a s'inquiété par rapport à ce rapport qui n'est pas encore sorti. Moi je dis, quand vous rencontrez les autorités, ils vous disent que les Burundais ont exprimé des doléances, ont été posées par rapport aux questions sensibles de l'air. On nous dit qu'il faudra que ce rapport sorte parce que le débat était public. Il faut que les conclusions soient publiques. Il faut que les gens aient le temps de les analyser. Isanganiro. Le ministre de l'Information et de la Communication affirme que les forces de sécurité n'ont pas commis de faute en écartant la journaliste de la radio Isanganiro de l'endroit où avait eu lieu une embuscade à Kagunuzi en province de Chiwitoke. C'était samedi. Nestor Bangmukunzi soutient plutôt que c'était une manière de la protéger. Toutefois, M. Bangmukunzi appelle toute personne qui détient de l'information à la donner aux journalistes en train de faire des reportages. Suivez-les. En cas d'accident, en cas de catastrophe, il peut y avoir des mesures de restriction dans l'intérêt général de la population, dans l'intérêt même du journaliste qui est en train de chercher l'information sur cet endroit. Par exemple, comme ça a été le cas à Chiwitoke, des criminels qui se sont embusqués, qui ont tendu un piège aux passants, rien ne confirmait que les criminels étaient déjà éloignés. C'est tout à fait normal que la police prenne des mesures préventives pour protéger la population, y compris le journaliste. Il peut aussi s'agir du souci de protection des pistes d'enquête et dans pareilles circonstances, je trouve logique, normal que la police puisse demander à l'un ou l'autre journaliste de patienter pour qu'on puisse d'abord réunir certains éléments qui peuvent éclairer les enquêtes. Est-ce que ce qui s'est passé ce week-end n'est pas contraire à la liberté d'exercer le métier de journaliste? Aussi longtemps que la mesure prise par la police visait la protection et du journaliste et des éléments d'enquête, dans ce cas, je pense qu'il ne s'agit pas de la violation des droits du journaliste en question. Mais depuis un certain temps, on a procédé à une campagne de sensibilisation des personnes qui détiennent l'information pour qu'elles soient toujours disponibles pour livrer de l'information aux journalistes. Pour rappel, Spescaritas Kavanyana, la journaliste et correspondante de la radio Isanganiro à Ubanza et Chiwitoke, a été sommée de vider les lieux par les forces de l'ordre dimanche à Kagunuzi, en province de Chiwitoke, sur la route nationale numéro 5. Elle voulait faire un reportage sur une attaque armée qui a visé samedi soir un véhicule de type IAS dans la nuit de samedi à dimanche, laquelle attaque a fait un mort et un blessé, mais aussi le véhicule a été brûlé. Des échauffourées ont surgi ce lundi matin dans une propriété en conflit située à Rubira, en commune Mpanda de la province de Bubanza, entre des habitants de Lugazi et ceux de Murengeza. Le jugement rendu par la cour d'appel n'a pas satisfait les perdants de Lugazi qui veulent toujours exploiter cette propriété par force. Le procureur de la République à Bubanza met en garde ceux qui se rebellent contre la justice. Correspondance de Spescaritas Kavanyan. Environ 300 personnes se sont attaquées et se sont battues dans les champs agricoles situés à Rubira en commune Mpanda ce lundi matin. À peu près une centaine étaient venues de Lugazi et disent que ce sont les propriétés de leurs ancêtres et les autres sont de Murengeza en commune Mpanda. Tous réclament la même propriété, même si la cour d'appel a dernièrement tranché, ceux de Murengeza ont gagné le procès. L'autre partie de Lugazi n'a pas accepté, raison pour laquelle elle fait souvent des attaques contre ceux qui ont gagné le procès. Les administratifs à Murengeza et à Rovira racontent que ceux de Rougazi ont exploité cette propriété jusqu'en 1962 suite à l'inondation qui a ravagé pas mal de choses. La commune a déplacé ces gens vers Rougazi et leur a donné d'autres propriétés. C'est en 1978 que les gens de Murengeza ont bénéficié de ces mêmes propriétés par l'administration communale. Ils les ont exploitées jusqu'aujourd'hui. Ceux de Rougazi ont finalement saisi la justice réclamant ces champs rizicoles de 24 hectares, mais ils ont perdu le procès du tribunal de résidence jusqu'à la cour d'appel selon la même source. De son côté, le procureur de la République à Bouvanza met en garde ces gens de Rougazi qui se rebellent contre la justice. Rissan Ndaïsaba, procureur à Bouvanza, précise que des comportements pareils sont sanctionnés par la loi. C'est Caritas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Un corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé sur la colline Kinyota en commune et province de Muyinga ce dimanche. Jusqu'à ce lundi matin, les parents de la victime n'avaient pas encore été connus. C'est la deuxième fille tuée et abandonnée dans cette commune en ayant un mois. Dieudonné Nzeiman. En périphérie du centre urbain de Muyinga, au quartier Muyaga de la colline Kinyota, c'est là où a été trouvé un corps sans vie d'une fille d'une dizaine d'années dimanche. Son corps repose à la morgue de l'hôpital de Muyinga. Les autorités locales recherchent encore les parents de la victime. Pour l'instant, pas d'identification de la disparue. Ce qui est visible est qu'elle a été violée avant d'être tuée. Pour Eugénie Kakoba, coordinatrice du Centre de développement familial CDFC à Muyinga, une telle disparition rappelle le cas d'une fillette de 16 ans aussi violée et tuée à Chivali, commune de Muyinga, fin juin dernier. Éviter de fréquenter des milieux suspects et l'appel lancé par cette coordinatrice à tous les enfants, invitant du même coup aux parents de faire un suivi plus régulier des déplacements de leurs enfants. Dieudonné Zeimana, Dominga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné. Plus de 1000 poules sont mortes durant les deux dernières semaines dans trois communes de la province de Ngozi, victimes de la maladie de Newcastle. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en Ngozi conseille aux éleveurs de limiter les mouvements de ces volailles dans les zones infectées et de faire vacciner celles des zones non encore touchées. Apollinaire Mouzagara. Les trois communes les plus touchées par cette maladie de Newcastle sont Marangara, Nyamurenza et Kiremba. En commune Marangara, 767 poules ont été déjà tuées, 196 en commune Nyamurenza et plus d'une centaine à Kiremba, comme l'indique Yves Nshimirimana, docteur vétérinaire chargé de la santé animale à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en Ngozi. Pour les éleveurs des six autres communes non encore touchées, cet expert en santé animale conseille la limitation des mouvements des volailles dans les zones infectées. Il invite aussi les éleveurs des zones non infectées à faire vacciner les poules selon un calendrier qui leur sera communiqué. Docteur Yves Nshimirimana demande aussi à la population d'enterrer les poules tuées par cette maladie de Newcastle afin d'éviter la propagation de cette maladie dans les zones non encore touchées. Donc aussi, apprenez Mouzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. Les parents des jeunes filles qui ont des talents footballistiques doivent les laisser développer ce sport qui peut les aider dans leur avenir. C'est du moins l'avis de la sélectionneure principale de l'équipe nationale féminine de football. Daniela Niwimenya trouve que la Fédération de football du Burundi doit organiser plusieurs compétitions pour détecter des jeunes talents au niveau national. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Evariste Nzikobanyang. Le football féminin enregistre des progrès au Burundi. L'avis est de la sélectionnaire de l'équipe nationale féminine de football de moins de 20 ans. Cependant, mademoiselle Daniela Niwimenya met l'accent sur certains problèmes qui freinent le développement de ce sport de masse côté filles et femmes. La lecture que je fais, je dirais que ces filles, elles ont une bonne performance. Jusqu'à maintenant, elles sont ensemble, c'est comme une famille, elles sont à l'aise, ce qui fait que nous sommes capables d'arriver loin. Elles arrivent à capter facilement et aussi c'est une chance pour nous parce que la plupart, ce sont des élèves ou bien des étudiantes, ce qui veut dire qu'elles ont une bonne connaissance. Les difficultés qu'on a, c'est que ici, chez nous, on fait peu de matchs par rapport aux autres, ce qui veut dire que nous avons une faiblesse de conditions physiques. C'est pour cela qu'on travaille cette faiblesse pour avoir une bonne performance par rapport aux autres équipes. L'équipe nationale de football féminine est classée 3e ou 4e au niveau de la communauté est-africaine, selon l'entraîneuse Désinhamba qui explique que tout dépend du système de jeu. Daniel Nibimenya indique ce qui doit être fait pour que le football féminin se développe le plus vite possible. Sans beaucoup de matchs, il y a aussi une diminution de conditions physiques. Mais avec plusieurs de matchs, ça nous aide et aussi il n'y a pas de peur. Mais quand vous jouez peu de matchs, il y a d'abord la peur et aussi la concentration n'est pas la même que si vous avez plusieurs matchs. Et qu'en est-il de la vulgarisation du football féminin au niveau national? C'est pas assez bon, mais je dirais avec ces équipes nationales qu'on met maintenant, c'est une bonne idée pour ces filles. Parce que maintenant, chacune joue en disant, il faut que j'arrive là-bas. C'est ça aussi l'avantage pour le moment. Le football n'est pas du tout réservé aux garçons, comme certains le pensent. Les parents des jeunes filles qui ont des talents doivent les laisser jouer au foot, qui pourra les aider dans l'avenir, selon Daniela Nibimenya. La peur que je renseignerai aux parents, c'est de laisser ces filles. Parce que maintenant, le football, c'est comme une profession. C'est comme un travail comme les autres. Tu peux jouer au foot et aussi avoir une vie grâce à ce foot. Si vous avez ici ses parents à des filles qui aiment jouer au foot, c'est de les laisser, de faire ce sport et après rentrer, faire ce qu'elle veut. L'équipe nationale féminine de football de moins de 20 ans participe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se déroule en France l'année prochaine. Merci Évariste, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean-Dodieu Naïsenga pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.